Toi le ciel étoilé, je vois ton visage comme un tout mirage. Dans ce vaste espace, ton sourire éclaire mes nuits sombres. Et dans mon cœur, il n'y a plus d'ombre. Ton amour est comme une douce mélodie qui apaise mon esprit et guérit ma vie. Avec toi, chaque moment est une symphonie. Et dans tes bras, je trouve l'harmonie. Ton regard est comme une douce caresse qui efface toutes mes tristesses. Avec toi, je ressens une telle ivresse. Et dans ton amour, je trouve ma richesse. Dans le silence de la nuit, je t'entends. Ton rire résonne doux et charmant. Dans le murmure du vent, je sens ta présence. Et dans mon cœur, pas une douce danse. Ton amour est comme un phare dans l'obscurité qui guide mon chemin et éclaire ma réalité. Avec toi, chaque jour est une fête. Et dans ton amour, je trouve ma quête. Ton regard est comme un rayon de lune qui illumine les nuits et chasse les brumes. Avec toi, chaque instant est un rêve éveillé. Et dans ton amour, je trouve ma liberté. Liberté.